Voilà, donc on va commencer l'émission avec Mr. Cliffa qui est parti quelque part. Il est allé se cacher déjà. Alors, bon, Thierry, bonjour déjà. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Bienvenue à la première. Donc, tu es un peu le parrain ce soir de l'émission Les musiques de ma vie. Je suis ravi que tu inaugures cela. Très heureux d'inaugurer. Très heureux. Je suis Alors, un bon inaugurateur. voilà. Et pour ceux qui parlent bien devant le micro, comme ça, les gens vont bien t'entendre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je suis allé glaner deux, trois infos sur le net pour voir un peu, parce que moi je te connais pas par exemple, hein, donc je suis allé un peu me renseigner sur qui tu étais. Alors donc tu as réalisé deux longs métrages, Le héros de la famille et avant ça, Une vie à t'attendre. Jusque-là, je me suis pas Jusque-là, trompé. tout va bien. Les infos sont bonnes. Les infos sont bonnes. Tu as été 11 ans journaliste chez Studio Magazine. C'est Ça juste. c'est juste, c'est plutôt pas mal. Tu as été nègre pour Paul Loup Solitzer. J'ai pas envie d'en parler. T'as pas envie d'en parler tout de suite. Donc on en parlera peut-être au fur et à mesure des chansons. Hein. Voilà, Voilà, exactement. Parce peut-être qu'il y que. a des hommages inavoués là-dedans à À l'œuvre Paul, de à Paul Jean, Loup à Paul Solitzer. Loup, à Paul Loup. Ok, et donc je savais pas un truc, c'est que le héros de la famille, donc c'est né de quelque part finalement. C'est un peu ton histoire finalement. C'est l'histoire du fait que tu as été placeur à la Nouvelle-Ève et donc avec tous ces spectacles comme ça C'était de au caméra. Lido, hein. Ah, c'était au Lido, bah voilà, Voilà. je me suis C'était au trompé. Lido. J'ai eu beaucoup, beaucoup de vie, hein. Tu sais, je commençais à 7 ans au Lido. 7 ans au Lido, en Ouais, placeur placeur, ou tu place. danseuse? Non, placeur, Placeur. placeur. Et j'espère un jour arriver au stade de danseur à plumes. Donc, ok, et en ce moment, tu écris donc un nouveau film avec ton acolyte On écrit deux films, en de fait. films. L'un qui va s'appeler Les yeux de sa mère et que je vais réaliser. Ouais. Et l'autre qui n'a pas de titre pour l'instant, mais que Christopher va réaliser. D'accord. Donc voilà, donc on Vous travaille travaillez en beaucoup. alternance sur les deux Et on projets. espère voir ça quand? Voir, je ne sais pas, j'espère qu'on aura fini les scénarios au début de l'année prochaine. D'accord. Bon, bah très Donc bien. pour un tournage en l'année prochaine. Super. Donc ce soir, en tant que parrain, tu vas inaugurer cette émission en nous proposant une dizaine, voire plus, parce que je sens que tu as C'est le choix préparé. de Sophie. Hein. C'est le C'est choix de faut... Sophie, Non, parce qu'au voilà. début, tu te dis c'est super et tout. Les chansons, il y a 2, 3, 4, 5 titres qui te viennent à l'esprit. Puis tout Ouais. d'un coup, il y en a 10, 15, 20, tu es complètement submergé. Donc moi, je trouve que plutôt que les musiques de ma vie, c'est les musiques de ma vie d'un jour, aujourd'hui. D'accord, bon, bah parfait. Bah, la musique de ta vie d'un jour, on va commencer par un titre. Lequel? Bah, Yael Naïm. En fait, voilà, c'est la chanson Parle que j'écoute. bien près du micro, C'est excuse-moi d'insister. Yael Naïm, c'est la chanson que j'écoute le plus. En ce moment, voilà, c'est une chanteuse que j'ai découvert il y a très peu de temps, Chanteuse israélienne. chanteuse israélienne dont les textes sont à la fois en anglais, en français et en hébreu. Et voilà, c'est vraiment magnifique. En plus, elle est ravissante. Voilà, il y a des choses à la fois, des choses Bon, bah tristes, émouvantes, et puis cette chanson qui est plus bah entraînante. on va écouter Yael Naïm avec le titre New Soul. On Voilà. envoie. Tout de suite. Oh, ça... ah, ah. Non, non, mais tout va bien. Il y a juste un petit problème technique, donc je vais combler. Je vais combler. On a ce soir, bien sûr, Thierry Cliffa sur l'émission Les musiques de ma vie. Donc voilà, on va envoyer tout de suite New Soul avec Yael. Ah bah non, on va pas envoyer. Si, on va envoyer ou pas? On va envoyer. Est-ce qu'on peut envoyer? New Soul. Alors, on essaye, hein. C'est un peu compliqué tout ça. Ça marche, ça marche pas. Est-ce que ça marche? On va voir. Autoriser, voilà. C'est en train de chercher. Alors, un instant, on va juste balancer une petite musique en attendant. Qu'on envoie la playlist de Thierry Cliffa. Un instant, voilà, vous avez entendu le petit problème qu'il y a. J'envoie une petite musique et on se retrouve dans, allez, même pas 2-3 minutes. J'envoie, bah allez, chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est normal parce que c'est ma radio, on fait ce qu'on veut. Bye.

New Soul, très belle chanson, très belle fille apparemment, c'est ce que tu me disais, ouais. Hors antenne. Très jolie. Très jolie. Bon. Donc ça, c'était une de tes chansons. Bah, c'est ma chanson du moment, en fait. Ah, voilà, c'est ta chanson préférée en ce moment. C'est ma chanson du moment. C'est ce que t'écoutes tout le temps, c'est un truc qui berce ma vie. Qui berce tes journées. Mes journées, voilà. En ce moment. Mes journées, mes journées d'écriture. Est-ce qu'on peut espérer que dans ton prochain film, Yael Naïm ferait une apparition éventuelle ou en tout cas sonore? Écoute... C'est pas trop l'ambiance. Pourquoi pas? C'est pas trop l'ambiance, mais enfin, pourquoi pas, pourquoi bon, ça pourrait être une belle idée. Ça pourrait être une belle idée. Je vais y penser. Je vais la rencontrer. Enfin, tu vois avec moi maintenant, parce que c'est mon idée. D'accord. Très bien. Je te reverserai des droits. Bah, la deuxième chanson, c'est vraiment un classique. Ouais. C'est un de mes chanteurs préférés. Je suis fasciné à la fois par le personnage qu'il s'est créé au fur et à mesure des décennies et par ses chansons, son talent, une espèce de choses comme ça. D'accord. Très insolente. C'est Lou Reed. Ah bah bien sûr. Perfect Day. Ah bah bien sûr. C'est une chanson que je passe souvent sur la radio, donc voilà, les auditeurs ne seront pas troublés. Et maintenant ils penseront à moi quand cette chanson passera. Voilà, exactement. Tu peux envoyer Lou Reed. Perfect day. C'est une journée parfaite. Parfaite. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Ne vous endormez pas. Non, ne vous endormez pas. C'était Lou Reed, l'immense Lou Reed. Et pourquoi Lou Reed, Thierry? J'ai envie de savoir. Pourquoi Laurine? À part parce que c'est un classique, on est d'accord, non, c'est un classique. Non, parce que j'adore sa voix, j'adore sa trajectoire, j'adore ce qui représente tout le côté, toutes ces histoires, glam rock, les années 70, son rapport avec de la fois de fascination, de haine, avec Bowie, Iggy Pop, tout ça, qui était vachement bien dans le film représenté dans le film de Todd Haynes, Velvet Underground. Ouais. C'est assez Velvet fascinant, Mind, quoi. Ouais. C'est une époque que j'ai pas connue, donc. Qui te fascine? Bah, ça me fascine plus que les histoires. Est-ce que Thierry Cliffa serait rock'n'roll? Tu es rock'n'roll, tu glam rock, glam rock. Tu es glam rock. J'aimerais être glam rock. C'est vrai. Ouais, avec des perruques, des plumes, des j'aspire, trucs. J'aspire à ça. Et il faut que t'écoutes T-Rex alors, à fond. T-Rex. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, Marc Bolan. J'aime beaucoup. Voilà. Le suivant. Le suivant. Alors, je suis pas sûr qu'elle passe souvent sur ta radio. Bah non. Mais c'est pour ça que t'es là. C'est voilà, moi, c'est quelqu'un qui me fascine. Ouais. J'ai été voir en concert il y a peu de temps, ouais. Qui est à la fois une actrice que j'adore et une chanteuse formidable. Je l'ai vue à Bercy, c'est donc Barbara Streisand. Ah. Voilà. Et ça m'a fait le même effet. Il y a très peu de personnes qui m'ont fait cet effet-là quand j'ai été les voir sur scène. Un peu comme la première fois que j'ai vu les Stones ou Michael Jackson, c'est-à-dire des légendes. Incroyable. Et j'avais l'impression tout d'un coup On est d'accord, c'est une légende, ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme si j'avais eu la chance de voir Sinatra chanter. C'est des gens, en plus, qui sont à cheval sur plusieurs histoires de cinéma, histoires de la musique. Et ils ne sont pas forcément à la mode, mais ils restent intemporels. Intemporels. C'est ça. Et là, j'ai choisi une chanson dont j'aimerais beaucoup qu'elle soit dans mon prochain film, qui est une chanson que j'adore, qui est tirée du film Hello Dolly, mm-hmm. et qui s'appelle It Takes a Woman, qui est un... Voilà, c'est tout au début de sa carrière. Barbara Streisand, It Takes a Woman. C'est une sélection de Thierry Cliffa sur ma radio. Barbara Streisand. Alors, je disais hors antenne que ce que j'adorais, c'est qu'elle n'est jamais dans la performance vocale. C'est toujours... À défaut de certaines. De certaines beuglantes. Qu'on ne nommera pas. Qu'on ne nommera pas, mais qui se réclament d'elle alors que ça n'a rien à voir et que surtout... Se réclame d'elle? Tu balances une info sans en balancer la fin. Je ne sais pas, on sait bien toutes les chanteuses, toutes les Céline Dion et autres. Toutes les Céline Dion et autres, Lara Fabian. Voilà, et donc c'est pas du tout ça. Ben non, parce que... Elle ne force pas du tout, ça va. Non, elle ne force pas, d'où l'émotion que ça peut provoquer. Puis c'est vraiment une star, c'est une diva, elle a un côté comme ça. Elle te fascine, quoi. Ouais, je la trouve assez fascinante. Ouais. Oui, mais surtout les gens comme ça qui ont travaillé pendant plus de 40 ans, qui ont réussi à garder un certain mystère, qui ne se sont jamais galvaudés, qui ont pas passé 2 ans de leur vie au Betty Ford Center. Bah, écoute, ce qui est magnifique, c'est que je viens de recevoir un mail de Barbara Streisand qui est ravie que tu parles d'elle comme ça. Voilà. Elle est ravie. Si elle veut jouer dans mon prochain film, chanter la chanson du générique. Ah, okay. Je viens de recevoir un deuxième mail. Non, elle veut pas. C'est sympa. En revanche, elle veut bien te filer sa musique pour pas cher. Bah, écoute, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. 50 000 euros, ça va. Ouais, ça va. Alors, ouais, ça bah va. Oui, attends, oh, ça va. C'est peanuts. C'est bien sûr, c'est de l'argent de poche. C'est une émission faite pour les riches ce soir, pas du tout pour les pauvres. Les pauvres, vous pouvez vous déconnecter. Ça sert à rien de rester. On ne parlera que d'argent facile, de voilà. De strass, paillettes, champagne, glamour. Voilà, glam rock, on glam y revient. Rock, voilà, glam rock. Est-ce que Barbara Streisand est un peu glam rock? Elle est glam. Elle est glam. Voilà. On ne sait pas si elle est rock, mais en tout cas, elle est glam. Elle est glam, c'est déjà ça. C'est déjà la moitié, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais tu sais que les 4 personnes au monde qui ont vendu le plus de 10, elle fait partie des 4 personnes au monde. Elle en fait partie. Voilà. Bah, Presley en 1, elle en 2. Jackson, j'imagine. Non, les Beatles et les Stones après. Ah, il n'y a pas Jackson dans les 4. Ah, bah, pas mal. Pas mal. Bravo, Barbara. Voilà. J'ai envie de l'appeler Barbara maintenant. Je me sens proche d'elle. Ne l'appelle pas Barbara. Barbara. Barbara. Voilà. Excuse me, Barbara. Beaucoup plus glamour. Ok, Barbara. Qu'est-ce que tu nous envoies ensuite? Après, c'est très années 80. Je pense que tu as dû te tortiller dessus. J'ai dû me trémousser, tu veux dire. Voilà, c'est Prince. Bien sûr. When Doves Cry. Bah oui. Inimitable. Incomparable. Incomparable. À l'époque où tout le monde dansait sur Michael Jackson, moi, je préférais Prince, mais bon. Moi aussi. Figure-toi que moi aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Et bah voilà. Allez. Prince. Voilà, c'était Prince. Je sais pas si c'était sa période Ophélie Winter, mais... En tout cas, Ophélie Winter a beaucoup écouté Prince, je le sais, elle me l'a dit hier. Bah oui, on sait ouais. qu'elle a... Elle a beaucoup écouté. Elle est un peu noire à l'intérieur, Ophélie, hein, tu sais. Elle ouais. l'a dit une fois, ça. Ouais. Ouais. Je suis noire à l'intérieur. Ouais, bah écoute... Bah, ouais. Bah, on est ravis, C'est bien pour elle, en tout cas. Voilà. C'est bien pour elle. Elle t'a pas plu, mon anecdote, là. Tu t'en foutais un peu. Non, en même temps... On s'en fout d'Ophélie. Ouais, un peu. Non, ouais. C'est moi qui ai lancé le truc, donc je vais pas me. Ouais, c'est vrai. Pas me plaindre. Hein, ouais, c'est ça. Et mais moi, j'alimente la discussion sur Ophélie Winter. J'ai très envie de savoir ce que tu penses d'elle, en fait. Ce que je pense de Ophélie Winter. Non, mais je m'en fous. Je rigole. D'accord. Non, j'étais face à un abîme de perplexité. C'était donc Prince, parce que ça t'a fait trémousser toute ton enfance. Ah oui, mon voilà. enfance, mon adolescence. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Mais ça lancé fait... dans le studio. Bien sûr, tu sais qu'il a sorti un dernier album qui est très très bien. Hein. Non, je sais pas. Ben voilà, Chelsea Rogers, qui est un des titres, un des singles de cet album, qui est dingue. Je te le ferai écouter tout à l'heure hors antenne, qui est vraiment très, un très très bon album. Mais je me souviens d'un concert qu'il avait fait dans les années 80, où il fallait que tout le monde vienne en orange ou un truc. Bah oui, il est toujours plein de complexes. Ouais. Plein de complexes, de concepts. De concepts et de convictions. Je me souviens voilà. de ce concert où tout le monde venait en orange. Bah ouais. Voilà. C'est particulier. C'est pas mal. Tu étais en orange, toi ? Pour la légende, non. Officieusement, oui. Oui. Non, je me souviens plus bien. En fait, j'ai un moment d'absence, là. Il y a des choses comme ça qu'on préfère oublier. Mais toi, en orange, je trouve ça très drôle. Ouais, ça fait te voir en mandarine. Ça fait un peu, oui, canard. Poussin. Un poussin. Jaune, non, pardon. Orange. Le choix d'après, il est assez simple. Il est assez simple, c'est The Divine Comedy. Ben, très bien. Donc on lance la chanson. On lance la chanson, on en parle après, tu vois. On en parle après. Oh, allez, c'est un coup de cœur pour toi, Divine Comedy. C'est un coup de cœur. Bien sûr. On écoute. Absent friends, here's to them, and happy days we thought that they would never end. Here's to absent friends, little Jean Seberg seems. So full of life, but in those eyes, such troubled dreams. Poor little Jean. Woodbine Willie couldn't rest until he'd given every bloke a final smoke before the killing. Escape he tried to make was not to be. Maybe next time, Steve. Like a flu, grew inky blue, to like a near the atmosphere. Through. Oh yeah. Oscar Wilde was a lonely child. He fought and won acceptance from the world. They smiled. To his grave. je vais rappeler quand même aux nombreux auditeurs qui viennent de nous rejoindre quand nous sommes dans l'émission Les Musiques de ma vie avec Thierry Cliffa qui est réalisateur, donc qui nous envoie un peu des musiques qui font penser à des musiques de films. Bah, je me suis rendu compte que... Et c'était les Divines Comédies. Hein, c'était Divines Comédies, ouais. Et d'ailleurs ça fait vraiment penser à du western, on se croirait dans Rio Bravo, dans un film de John Ford. C'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chansons qui m'ont marqué et que j'aime, et de musique, mais et qui me sont venues à travers le cinéma, soit des chansons liées à des films, soit des chansons qui étaient reprises dans des films. Donc, j'ai envie de poser la question piège et vice-versa, c'est-à-dire que les musiques t'ont inspiré des films? Ah bah oui. Ça a une réponse, je pensais que ça pouvait pas avoir de réponse. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai longtemps écrit en musique, en mettant les musiques les plus tristes du monde. D'accord. Et j'écrivais notamment mes articles pour studio. Puis à un moment donné où je me suis rendu compte qu'à part me miner, ça servait pas à grand chose de me mettre toutes les musiques des New Morricone en boucle. Eh ouais, non, c'est sûr que les musiques de Dolru, de La Femme d'à côté, tout ça, que je vous épargnerai ce soir, même si ça fait vraiment partie. Non, mais en même temps, on a ce genre d'émission déjà, hein, l'émission du Mato qui s'appelle Et toi, t'écoutes quoi au cinéma, qui nous gratifie de Dolru, qui nous gratifie de tout ça. On écoute tout ça sur ma radio, bien sûr. Donc voilà, donc c'est ton émission ce soir, donc tu fais ce que tu veux. Et donc, et d'ailleurs, la chanson d'après est une chanson tirée d'un film, qui est une chanson de Björk, ouais, tirée de Dancer in the Dark. Ah. Et voilà, avec Catherine Deneuve, voilà. Exactement, qui est un film absolument magnifique. Et une comédie, Björk, comédie musicale. Comédie musicale, écrite, dont la musique a été, les chansons sont écrites par Björk. Et Björk, que j'adore, que je trouve totalement iconoclaste. T'as écouté le dernier album, ouais. Ça t'a plu? Ouais, beaucoup. Ah ouais, ouais. Qui est dur, hein, ouais, je veux dire, ouais. Qui est pas. Et j'aime beaucoup la chanteuse qu'elle vient de produire avec Thom Yorke, qui est Bad for Lashes. Magnifique. C'est vachement bien. Bah, alors, pour la petite info, cet été, j'étais à Rock en Seine. Il y avait Björk qui était incroyable sur scène parce que c'était un vrai spectacle. Ouais, ouais. C'est vraiment une showman. Enfin, je sais pas si elle est féminin pour showman. Une showgirl, voilà. Bah, oui, c'est vrai, le fameux film. Une showgirl incroyable parce qu'il y a eu une sorte de profusion de sons et même visuellement, c'était très impressionnant. Et il y avait Bad for Lashes aussi, que j'ai découvert à Rock en Seine, qui est vraiment magnifique. Vraiment super. Ah ouais, ouais. Super. Vraiment super. Et elle, je trouve qu'elle a une personnalité, y a qu'elle, quoi. D'accord, bah alors on écoute Björk, alors. Dancer in the Dark. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I've been. I've seen it all, there is no more to see. Thank you. process I am my way first day. Your grandson's hand as he plays with your hair. To be honest, I really don't spark. I have seen what I choose, and I've seen what I need, and that is enough to what more would be greed. I see. C'est qu'on va laisser tourner derrière hein, cette musique magnifique, mais tu as plein d'anecdotes sur Björk et sur Dancer in the Dark en l'occurrence. Bah, je me souviens, j'étais là lors de la présentation à Cannes du film qui a obtenu la Palme d'Or et le prix d'interprétation féminine pour Björk, et c'est vrai que les rapports avaient été vraiment très très tendus avec Lars von Trier pendant le tournage. Björk avait quitté le film, est revenue, enfin bon, elle a dit que ce serait d'ailleurs sa dernière expérience cinématographique. Et je me souviens quand elle est arrivée en bas des marches, elle était dans une espèce de robe improbable rose bonbon, et il y a cette espèce de mur de photographes à droite et à gauche, et elle n'osait pas passer, et elle était un peu comme un chat pris dans les... Oh, pauvre petit chat. Dans les phares d'une voiture, et c'est Catherine Deneuve qui est allée la chercher et qui lui a montré un peu comment il fallait faire. Et tout d'un coup, la présence de Catherine Deneuve l'a totalement, rassurée et aidée. Ouais. Et c'est un moment très très fort. Et puis la projection du film était vraiment, parce que les gens avaient adoré. Ouais. C'est une espèce de coup de poing comme ça. Ça a été un choc pour toi, ce film a été un vrai choc. Ouais. J'avais déjà adoré son précédent film, Breaking the Wave. Mais là, Les Idiots, tu avais aimé Les Idiots? Moyen. Ah, moi j'avais adoré Les Idiots. Moyen. J'étais moins fan des Idiots. Je trouve que le côté, cette espèce de pacte qu'ils avaient fait de charte comme ça. Le dogme. Autant je trouvais que sur Festen c'était formidable, autant sur Les Idiots c'était un peu plus plus un exercice de style. D'accord. Ça ne servait pas le propos, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que je préfère dans ces films plus romanesques comme Breaking the Wave ou Dancer in the Dark, ou même plus tard Dogville, où c'est vraiment aussi un exercice de style. Mais je trouve que le formalisme ne nuit pas au fond et à ce que ça raconte. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avons Thierry Cliffa ce soir sur l'émission Les Musiques de ma vie. Et on est ravis parce que c'est le parrain. Tu ne as pas sélectionné une chanson du parrain par hasard? Mais je peux, je pourrais. je peux même vous fredonner quelques notes de Nino Rota. Alors, allons-y. Non, je ne me risquerai pas à ça. Mais là, c'est mon premier choix français. Ah. En fait, et je pense que c'est ma chanteuse préférée française. Annie Cordy. Voilà. Et tout à fait. Je voulais la présenter un peu mieux, comme ça que les gens n'aient pas... Mais c'est quelqu'un que j'ai eu la chance aussi de voir sur scène. Et ce qui m'avait stupéfait, c'était l'espèce d'exaltation qu'avaient les gens lors de ces concerts. C'est-à-dire que c'était les Beatles, Michael Jackson et Hervé Villard réunis. J'exagère, non, mais Johnny réunis. Il y avait quelque chose où les gens hurlaient ou presque jetaient leur chemise sur la scène. Dis-nous qui c'est, parce que les gens vont croire qu'on parle d'Annie Cordy. Bah, c'est Annie Cordy. C'est parce que t'es jamais allé à un concert d'Annie Cordy. Ah, merde. Non, c'est Barbara. Ah, oui. Et il y avait une espèce de voilà, vraiment d'exaltation, d'idolâtrie, ouais. Qui en plus, je pense, s'est développée encore plus vers la fin de, bah, en plus vers post-mortem, la fin de sa vie. En plus, post-mortem aussi. Et encore après, ouais, mais sûr. Je veux dire, moi, je l'ai vu au J'aime théâtre. Beaucoup ce mot, post-mortem. Je vais le dire plusieurs fois ce soir, je pense. Ouais, c'est au théâtre du Châtelet, et c'était vraiment, je crois que c'est la dernière fois où elle est montée sur scène, c'était vraiment très, très impressionnant. D'accord, donc on écoute. Et j'ai choisi sa chanson la plus gaie. Parce qu'elles sont pas joyeuses ces chansons. Quand on a le cafard, c'est bien de se mettre du Barbara, comme ça on est sûr d'aller encore plus mal. Ouais. Elle s'appelle Ce matin-là. Ce matin-là, de Barbara. C'est la sélection de Thierry Cliffat sur ma radio. Pour vous. J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de l'autre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seul je me suis promenée au bois. Tant pis pour moi, la loup n'y était pas. En te réveillant, me trouver contre toi, j'ai pris le raccourci à travers champs, et bonjour, me voilà. J'étais partie ce matin au bois, bonjour mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois, pour toi, mon amour, pour toi. Pour toi, pour toi. Magnifique. Est-ce qu'on... Ouais. Ah oui, c'est très beau ça. Ah ouais. Et j'ai mon téléphone qui sonne pendant ce temps-là. Faut pas répondre. Non, je réponds pas. Vas-y, non, dis-nous, parle-nous de Barbara. Pourquoi, bah, Barbara, voilà, c'est quelqu'un qui, depuis que je suis tout petit, que mes parents écoutaient, que, voilà, je pense que c'est un truc intergénérationnel. Mm-hmm. C'est vrai que l'engouement qu'il y a... Tu me parlais d'hystérie, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie hystérie pour cette femme-là. C'était... Ah ouais, une hystérie collective. Moi, je me souviens, j'avais interviewé, quand j'étais encore journaliste à studio, j'avais interviewé Jean Rochefort, mm-hmm. qui m'avait raconté que dans les années, au début des années 50, lui et Philippe Noiret, ils étaient très amis, allaient régulièrement écouter une femme qui chantait, une jeune femme qui chantait, qui était, dont il me disait, elle avait un nez incroyable, elle n'était pas particulièrement belle, mais elle avait quelque chose de fascinant. De magnétique. Voilà, elle chantait à l'écluse. Et il me dit, on était tous les deux amoureux d'elle. Mm-hmm. Et cette femme, c'était Barbara. Barbara. Voilà. Je crois que c'est au-delà de la beauté. C'était un auteur fascinant, c'était une femme engagée, c'était une femme qui était mais c'est des personnages, c'est des comme il en existe plus aujourd'hui, quoi. C'est des gens comme Grégo, c'est des icônes, c'est des personnages emblématiques d'une époque, de la représentation révolue, un peu révolue. Est-ce que tu dis c'est une époque où peut-être les textes avaient plus d'importance, ou peut-être parce que bon, on parle beaucoup de la nouvelle scène française. Il n'y a pas forcément de rencontre entre la scène française, la nouvelle scène française et le public à d'accord. un niveau national. Ouais, voilà, c'est général. Et elle vendait énormément de disques. Elle était très populaire, tout en restant comme ça, marginale. Elle vivait en dehors de Paris, comme ça. Donc c'est... Non, il faut que tu te rapproches du micro, je te faisais juste. Ah oui, tu me rapproches, voilà, il fallait que je me rapproche. Voilà. Un monstre. Je voulais juste te poser une question par rapport à Barbara. Est-ce que tu penses qu'il y a une prémonition, enfin en tout cas tu vas m'aider sur ce mot-là, une prédisposition à aimer les Barbara à aimer les Barbara et à faire de la musique quand on s'appelle Barbara. Parce que là, il y a deux grandes Barbara. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de facilité si, par exemple, des gens veulent enfanter ce soir, appeler-la Barbara, parce que y a peut-être plus de chances. Il y a une chance sur deux d'avoir une chanteuse dans le lot. Ah bah voilà. Donc, appelez votre enfant Barbara, quoi qu'il en coûte. Après, chanson pour faire pleurer. Que ce soit un garçon aussi. Hein, surtout si c'est un garçon. Barbara. Parce que moi, c'est un peu original. Et... Je m'appelle Barbara. Il y a eu beaucoup de Barbara chanteuses, mais pas de Barbara chanteur encore. Pas encore. Qui sait ? Qui sait ? Là, c'est juste pour faire pleurer. Allez, faisons pleurer. Chanson très émouvante. De qui ? Je vous laisse. On laisse deviner. Ouais. Allez, on en parlera après. What have I gotta do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorry seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest word. Alors, je te laisse parler sur ce morceau, enfin, en tout cas, nous raconter un peu ce morceau. C'est qui d'abord ce morceau ? C'était. Pour les gens qui n'arrivent pas à reconnaître la voix comme moi, parce que j'ai dit une grosse connerie. C'est Ray Charles et Elton John sur une chanson d'Elton John. Ouais. Qui est pour moi une des plus belles chansons, une des chansons qui peut me faire le plus pleurer. D'accord, et notamment, il n'y a pas que toi que ça fait pleurer. Non, ma voisine aussi qui m'a demandé l'autre jour si je l'écoutais assez fort et elle m'a demandé si j'allais mal. Je lui ai dit non, non, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit non, parce que moi, quand j'écoute cette chanson, je vais très mal. Donc voilà, non, non, mais c'est Stevie Wonder, c'est vraiment. Et Stevie Wonder, j'ai une anecdote, je l'ai rencontré. Non, Ray Charles ou Stevie Wonder? Ray Charles, je dis n'importe quoi. Ouais. Donc, non, voilà. Non, c'est moi qui ai dit. Ouais, voilà. Non, parce que la chanson d'après, c'est Stevie Wonder. Voilà. D'accord, alors par rapport à Stevie Wonder, tu as une petite anecdote. Stevie Wonder, ouais, c'était le premier festival de Cannes que j'ai fait en tant que journaliste. Donc j'étais jeune journaliste à studio. Mm-hmm. J'avais pas loin de 20 ans. Je rappelle que tu étais journaliste à studio pendant 11 ans. Voilà, j'avais pas loin de 20 ans. Mm-hmm. Et c'était en 91. Et c'était une soirée qui était organisée. C'est la première soirée où j'allais au festival de Cannes. Et j'arrive dans cette soirée. Ouais. Et à une table, il y avait Madonna avec Sean Penn, Charles Bronson. Une autre table, il y avait Nastasia Kinski, Quincy Jones. C'était une soirée vraiment, il y avait Robert De Niro. Enfin, vraiment assez incroyable. Et à la fin de cette soirée, Stevie Wonder s'est mis au piano et s'est mis à faire un bœuf. Ce qui était quand même un moment... de grâce, bien sûr, incroyable et pour inoubliable. Et pour les on était une quarantaine de personnes à peu voilà près. Et pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, c'est faire de la musique, hein, c'est pas faire un bœuf, c'est pas juste voilà, il a pas commencé à faire un bœuf en pâte à modeler, non. Il a commencé à jouer de la musique comme ça, voilà, une sorte d'improvisation. Et j'envoie la chanson. Et tu envoies, on écoute. Ah, je l'adore celle-là. Once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Wonder, l'autre aveugle, hein, pas Ray Charles. Donc voilà. Non, je suis vraiment désolé de cette confusion. Bah, en même temps, absolue. T'avais pas vu, t'avais pas regardé. Oh, très bonne blague. Très bonne blague. Tiens, on vient de perdre 10 auditeurs. Enfin, en même temps, c'est pas avec ta programmation qu'on en fait 500. Hein. Ouh là là. Je quitte la pièce. Le studio, tu veux dire. Je quitte le studio. Donc, tu as eu un très gentil texto qu'on te disait que tu pouvais faire pâlir. Exactement, les meilleurs DJ ou devenir programmateur sur Nostalgie. La personne qui m'a envoyé ce texto se sentira concernée. Et je préférerais être sur Chéri FM. En fait. Ah, voilà. Voilà, c'est un peu le but de ma vie. Bah, voilà, bah, je te filerai les archives de cette émission et tu pourras aller démarcher les huiles de Chéri FM pour essayer de passer à l'antenne. On aura peut-être des bons fauteuils chez Chéri FM. Et des micros qui marchent. Salopard. Bah. Bon. C'est toi qui ne sais pas parler dans un micro. Moi, je parle très bien dans le micro. Tu vois, les gens m'entendent très bien. J'ai une voix radiophonique, de toute façon. Ouais. Je ne préfère pas commenter. Ah, tiens, j'ai un texto. Vas-y, donc, parle-nous du prochain. C'est une chanson tirée d'un film, encore, de Maria's Lovers. C'est une chanson que j'ai fait reprendre à Emmanuel Béard dans mon film Les héros de la famille. Et c'est une chanson... voilà, chanté par Kate Carradine, c'est un des plus beaux films d'amour qui existe au cinéma. Je t'écoute, hein. Et je vous l'envoie. Eh ben, tu l'envoies tout de suite, on y va. I never felt my heart until I looked into your eyes. I never dared to dream until I looked into your eyes. I never thought the joys of love could touch a gypsy like me. Once alone and so free, now my heart longs for you. I never felt the sun until I looked into your eyes. I thought the race was won, and then I looked into your eyes. I never needed anyone to sing the songs that I sing. Now the words only ring if I sing them to you. My love is there in your eyes. My soul is bare in your eyes. If I could gaze in your eyes evermore, it's the dream I live for. You can open the door. I led a life of crime, and then I looked into your eyes. My heart became a prisoner when I looked into your eyes. I fell beneath your gaze and felt as though my lies had been seen. All my sins became clean. What a fool I have been. My love is there in your eyes. My soul is bare in your eyes. If I could gaze in your eyes evermore, it's the dream I live for. You can open the door to love. Alors, c'était qui, ça? Parce que je ne me souviens plus du tout de qui on écoutait, là. C'est Kate Carradine. C'est la chanson Maria's Lovers du film avec Nastassja Kinski. Ah, mais il va falloir que tu te rapproches du micro. Nastassja Kinski, si Robert Mitchum. Bosser, si tu veux bosser sur Chéri FM, il va falloir que tu apprennes à parler à un micro. Ouais, ils ont des micros peut-être un peu plus... Ah, il faut parler en dessous parce que tu vois, ça fait des... Un peu plus... Ah bah non, comme ça. Un peu plus attractif. Le nez dessus, regarde, je vais t'apprendre. Le nez dessus, et tu parles juste en dessous, comme ça, tu vois. C'est un vrai baptême du feu, cette émission de radio. Donc voilà, donc c'est la chanson d'un film de Konchalovsky, avec Nastassja Kinski, Robert Mitchum. Moi, le seul film que j'ai vu de Konchalovsky, c'est Ria Bamapool. Non, j'en ai vu deux. Ria Bamapool et Tango & Cash. Bien. Donc, tout est à reprendre à zéro. Maria's Lovers, c'est son plus beau film. Hein. C'est le premier film qu'il a fait en Amérique. Et qui est vraiment la période bénie de Nastassja Kinski, sa grande époque, quand elle faisait Paris-Texas. Quand d'accord, elle... oui. Et Maria's Lovers, les deux avaient dû sortir dans la même année. Et, et voilà, donc tout ça nous amène... J'ai l'impression d'être avec le Pierre Tchernia du cinéma. Ouais. Ça, je suis ravi. C'est à chaque fois ça me rajeunit pas. Mais non, bon. Mais il nous en faut bien, parce que l'autre, il va bientôt, tu vois, il va bientôt casser sa pipe, donc tac, tu vas le remplacer. C'est pas gentil, ça. Je suis beaucoup plus mince, en plus. Oui, non, ça, j'ai jamais fait la comparaison sur le physique. Et surtout, j'ai beaucoup plus de cheveux. Ah oui, exactement. Ce qui, quand même, par les temps qui courent, est un luxe. Mais tu es mannequin. On a oublié de le préciser, tu es aussi mannequin. Aussi mannequin. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. J'ai une très très longue vie, et pourtant si jeune. Vas-y, donc qu'est-ce que tu nous fais écouter après? Après, c'est encore un français. Parce c'est que les gens sont fans, hein, sont fans. Ils ne veulent plus quitter l'émission, ils ne veulent plus quitter ma radio, et donc ils en redemandent. Je vais peut-être dormir là d'ailleurs. Mais dors là, tu vas toute la nuit avec ton micro et ta playlist. C'est une chanson française d'un chanteur français qui s'appelle Benjamin Biolay. Une chanson que j'adore, qui est pour moi une des plus belles chansons de ces 5 dernières années, avec un petit morceau de cinéma au milieu, puisqu'il a emprunté à Marilyn Monroe. Deux secondes, je vais répondre à la porte. Oui, c'est une radio familiale. Hein. Et ça fait pas très professionnel, bon, ça. C'est pas grave. Donc moi, je continue à quoi ? À parler de Benjamin Biolay, de La rivière sans retour, avec... voilà, La rivière sans retour, donc il a emprunté quelques paroles d'une chanson qui est dans La rivière sans retour, avec Marilyn Monroe. Bon, on écoute Benjamin Biolay, bébé pour les intimes. Les cerfs-volants. À mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe. Et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc. On s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous. et nous a rejoint. Parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Nous avons un public, c'est comme RTL. On a un public ce soir, c'est comme RTL. On a Katia qui nous a rejoint, encore une personnalité du cinéma. Et qui va tourner, est-ce un signe, son court-métrage avec Benjamin Biolay à la fin du mois. Voilà, bravo Katia. C'est quand même un signe ça. Avec notre bébé national. Ouais, elle est contente ? Très. Est-ce qu'on l'entend bien ? Rappelez-vous de ce nom, Katia Leskovitch, quand vous verrez les Oscars en 2009. Voilà. Celle qui aura une très jolie robe. En 2089. En 2080. Souvenez-vous de ce nom. Donc, c'était Benjamin Biolay, c'était la sélection de Thierry Cliffa. Et Thierry qui va nous balancer encore un titre pour clore cette émission. Ah non, il y en a au moins un ou deux. D'accord, alors deux. Alors encore deux titres. Thierry va nous expliquer encore quel titre il va nous envoyer tout de suite et il va nous faire découvrir. Voilà, incontournable. Bien sûr. Et Pierre qui roule sur ma radio. Childhood never is easy to do. The things you wanted I bought them for you. Graceless lady, you know how I act. You know I can't let you slide through my hands. Cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. To show me the same, but no sweeping exits off stage lines could make me feel bitter. Or treat you unkind. Yes. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. But I don't have much time. My faith has been broken and tears must be cried. Let's do some living. Les Rolling Stones, les pierres qui roulent en français, donc. Hein, voilà. Pas la peine de les présenter. Non, bah si, je viens de le faire en plus. Toi, c'est ton métier. Ouais, c'est ça. En revanche, tu voulais présenter quelque chose. Je voulais parler d'un film qui sort aujourd'hui, que tu as beaucoup aimé. Vraiment un très très beau film, très émouvant, avec deux acteurs merveilleux que tu aimes. Voilà, qui s'appelle Marina Foïs et Guillaume Canet. Ça s'appelle Darling. C'est sorti aujourd'hui. C'est donc le film de Christine Carrière. Produit par Rectangle Productions. Voilà. Plus particulièrement par Edouard Veil. Voilà. Qu'on aura bientôt à l'antenne peut-être. Voilà, pour faire sa programmation musicale. Voilà. Et voilà, il faut absolument aller voir ce film. C'est sorti aujourd'hui. C'est très joli. C'est un très beau film. Je l'ai vu également. C'était très joli. Voilà. Non, parce que joli, je suis pas sûr que ça soit le mot. Bah si, c'est parce joli. Parce que c'est quand même. J'ai envie de dire fort, c'est joli. Assez chargé. Mais pour tous les auditeurs récurrents de ma radio, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un muséum d'histoire sonore qui passe souvent, où il y a donc un extrait de l'avant-première de cette soirée Darling, où donc vous pouvez écouter le discours de Christine Carrière juste avant le film, et donc vous pourrez comprendre un peu plus de quoi traite le film. Enfin, je pense que vous savez de quoi traite le film. On en parle assez souvent et assez, enfin beaucoup en tout cas dans toute la presse aujourd'hui. C'est dithyrambique. Hein, la presse est dithyrambique. Oui, on peut dire ça. Et j'ai très envie de dire 3 ou 4 fois ce soir le mot dithyrambique. Je vais dire dithyrambique. D'affilée, dithyrambique, dithyrambique, dithyrambique. Moi, j'ai surtout envie que tu nous l'épelles, le mot dithyrambique. Et bon, on n'est pas dans la merde. Dithyrambique. Voilà. Ah non, ça fait de la radio, c'est complètement un alphabet. Oui, mais en même temps, je sais parler. Et c'est ce qu'on me demande. On me demande pas d'écrire, sinon j'écrirai pour Studio Magazine ce que tu as fait pendant 11 ans. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que tu nous envoies comme son maintenant? Parce que tu nous as envoyé un truc qui nous a fait pleurer avec les Rolling Stones. Maintenant, tu vas nous... Oh, voilà. Je ne suis pas sûr de raviver beaucoup de gaieté. C'est un duo, en fait. Et je vous raconterai après l'histoire de ce duo qui est... Tu dis duo, toi. Duo. Tu dis pas duo, tu dis duo. Ouais. D'accord, ok. Ouais, j'ai beau être un alphabète, toi tu sais pas parler. Non, je parle un peu comme je veux. D'accord, c'est ta radio ce soir, c'est ta radio. J'ai fait beaucoup de débats, ouais. Et le public aime bien quand je dis duo. Duo, alors c'est un duo donc. Voilà. C'est pas justice, rassure-moi, c'est non. Pas justice. Ah non, d'accord. pas du tout. Je te l'envoie, tu vas tout de suite comprendre que c'est pas justice. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Ici j'entends le chien. Mais si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi la porte. Non, non, non, pas sa propre pio. Si tu sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis, j'ai fait tout le métier. Valeur équilibriste, maréchal des logis, comédien braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui, mais je joue bien mal aux dames, tu le sais. Le temps que j'ai des chercheurs d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. pauvre moi, pauvre moi de porte. Je n'en ai pas sans boire plus. Se disait à plus mille portes, dis-le comme est stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant de nez après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste aucune chance, celle que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Elle n'en est pas semblable plus. Si tu cèdes, appelez-moi la porte. Dis-le comme est stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Elle n'en est pas semblable plus. Si tu cèdes, appelez-moi la porte. Dis-le comme est stato laggiù. On laisse un peu les applaudissements quand même. Bah oui. Oh bon, écoutez, là c'est une grande, grande première. C'était Bruel sur ma radio et Reggiani, c'est une grande première. Je te félicite de ça parce qu'il y a peu de gens qui ont osé faire ça quand même. Oui, bah, je suis le parrain de l'émission, donc j'ai un peu tous les droits. D'abord, moi, je suis très fan et de l'un et de l'autre, et de Reggiani et de Bruel. Mm-hmm. Bah, Bruel, j'ai fait un film avec lui. Ouais. Et l'histoire de ce duo est un peu particulière parce qu'il devait chanter en duo pour une émission de télé. D'accord. Et pas pour une émission de radio, malheureusement. Et pas pour une émission de radio, pour une émission de télé. Mm-hmm. Bruel est fan depuis toujours de Reggiani. Pardon. De Reggiani. Je regarde juste Katia à côté qui est en train de déplier Playboy Magazine où il y a des femmes à poil. Et toi, tu me parles de Reggiani et de Bruel. Je te jure, le contexte est un peu bizarre. C'est dur d'avoir la contenance dans cette émission. Je vous dis franchement, je vais retourner à Radio Notre-Dame parce que là, c'est vraiment compliqué de rester concentré. Excuse-moi pour l'anecdote, on écoute. Donc ils avaient répété pour une émission de télévision, donc ils devaient faire un duo ensemble. C'était quelque chose que vraiment Bruel voulait faire, puisqu'il avait beaucoup d'admiration pour Reggiani. Donc il avait convaincu Reggiani, qui faisait très très peu d'émissions, de le faire. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. D'accord. Ils ont répété toute c'est la journée. C'est pas pour Champs-Élysées. Non, c'est pas pour Champs-Élysées. Non. Ni pour Champs-Élysées, ni pour Star, ni pour... Et donc ils ont répété toute la journée cette chanson, et au moment de chanter, cette émission était en direct. Serge Reggiani a eu un malaise, donc n'a pas pu chanter. Voilà. Et donc, en fait, c'est la répétition de cette chanson. Ah, d'accord. Donc, ça, là, c'est l'enregistrement. Heureusement, ça avait été enregistré à l'époque. L'ingé son n'a pas été con. Voilà. D'accord. Même très malin. Ouais. Et voilà, donc quelque chose. Et c'est sorti dans le commerce. Bruel l'a mis sur son album, sur sa compilation de tous ses succès. Le best-of. D'accord. Exactement. Voilà. Et donc pour la dernière, tu vas nous gratifier d'une musique qui t'est très chère parce que tu es un peu à l'origine de cette musique. Voilà, puisque c'est le générique de fin de mon deuxième film. Du héros de la famille. Oh, et tiens, c'est mon imprimante. J'ai cru que c'était la tuyauterie. Non, c'est mon imprimante qui délire. Et voilà, c'est une chanson italienne de Luigi Tenco. Ouais. Chose que j'ai demandé à Catherine Deneuve de chanter pour le héros de la famille. Pour le héros de la famille. Et voilà, elle m'a fait l'honneur d'accepter. Voilà. Donc voilà, on va se quitter. On écoute Catherine. On se quittera là-dessus et ensuite on envoie la playlist de ma radio. Bon, tu diras au revoir quand même après. Ouais, je vais dire au revoir. Ouais, oui, tu vas faire un petit speech d'adieu. Ouais. Enfin, d'au revoir en tout cas. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo. Per sentire svanire in me l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più. ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi, a sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Merci Thierry pour cette belle chanson de fin. C'était un bonheur en tout cas de faire ça. Bah moi ça m'a fait très plaisir de t'avoir pour cette première émission. Enfin en tout cas cette première, l'inauguration de cette nouvelle émission, Les Musiques de ma vie. Donc comme j'ai été le parrain et que j'ai un peu l'invité spécial, je vais pouvoir revenir quand je veux. Exactement, avec grand plaisir. Tes dates et moi je m'exécuterai. Oui, oui. Bah, très moi bien. Je pensais faire des brunchs avec toi le dimanche. Ah tiens, tout d'un coup, pourquoi ? Pourquoi le dimanche les brunchs ? Pourquoi soudain le dimanche les brunchs ? Parce Mais que pourquoi je, pas ? Je cherche quelqu'un à caser le dimanche. Quelqu'un peut... à caser ? Est-ce que non, je suis quelqu'un alors, à caser ? Non, je vais t'expliquer. Ce qu'on peut faire, c'est les enregistrer et les balancer le dimanche à l'heure du brunch. Très bien. Ça te plaît, ça ? Très bien. Eh ben, on peut faire ça. Très bien. Les voilà. Musiques de ma vie uniquement consacrées à Thierry Clifford. Mais Dieu sait que ma vie est longue et chargée. Dieu sait que tu n'es plus tout jeune. Pas du tout. C'est toi même qui l'as dit, j'avais plein d'histoires à raconter. Bah oui, on peut avoir plein d'histoires même à 20 ans. Mais c'est... Tout dépend comment on vit les choses. C'est vrai, c'est vrai. Katia, elle commente. Qui n'a pas quitté son Playboy. Tu veux nous mettre une dernière chanson, juste oui, une petite gâterie. Voilà, c'est un peu mon mot. Ton mot de fin. Pour terminer, non ? Non, c'est pas ça. Ah. Voilà, c'est un peu mon interrogation. Voilà. Du moment, de l'instant, pas du moment, de l'instant. Donc c'est ta musique de maintenant, tout de suite. Pourquoi faut-il que les avions s'envolent et que les trains s'en aillent ? Et où sont-ils, mon pays, mon école, mes amis, mes batailles ? Oh pourquoi faut-il se dire adieu ? Voilà, pourquoi c'est possible de se dire adieu ? C'est quand même une putain de bonne question. Ouais, c'est vrai. Écoute, je te remercie Thierry et j'espère que les auditeurs nombreux ont apprécié cette émission. Et on va retrouver, bien sûr, n'oubliez pas que demain soir à 19h commencent les autres émissions parce qu'il n'y a pas que l'émission de Thierry Cliffin, il y a l'émission aussi de Thomas Borrez, enfin... AKA, le Mato. Il y aura aussi l'émission, la nouvelle émission qui s'appelle Le son du platiniste à 20h30 avec Yogi en invité. Tu voulais dire. Et les conseils de Tata Katia, c'est quel jour ? Parce que ça, franchement. C'est quoi ton conseil ? Acheter Playboy, voilà, c'était tu le pourrais dire aller voir Darling. Aller voir Darling. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est acheter Playboy et aller voir Darling après avoir lu Playboy. Et vous pouvez aller, entre-temps, voilà. Aller acheter le DVD du héros de la famille qu'il y a sorti il y a 15 jours. Et vraiment, vous ne serez pas déçus des bonus. Du bonus de bonus. Je dirais que ça. Que du bonheur. Voilà, donc c'était Thierry Cliffa. Demain soir, 19h, le Mato avec son émission « Et toi, t'écoutes quoi au cinéma ?» avec ensuite à 20h30, l'émission qui s'appelle tout simplement, je ne sais plus le titre, « Le son du platiniste » avec Yogi. Voilà, et je vous dis bonne soirée à tous. Vivement le retour de Jacques Chancel, hein. Ouais, bégayez-moi. Tu sais, moi, c'est un début pour moi. Commence pas à critiquer. Salut à tous. Faut-il se dire